je devais entrer au lycée Henri IV. Je m'entendais avec un garçon aussi précoce que moi, admirant même sa beauté, son effronterie. Notre mépris commun, pour ceux de notre âge, nous rapprochait encore. Nous seuls, nous jugions capables de comprendre les choses. Et enfin, nous seuls, nous nous trouvions dignes des femmes. Nous nous croyions des hommes. Par chance, nous n'allions pas être séparés. René allait déjà au lycée Henri IV et je serais dans sa classe en troisième. Le jour de la rentrée des classes, René me fut un guide précieux. J'aimais faire à pied deux fois par jour le trajet qui sépare Henri IV de la gare de la Bastille, où nous prenions notre train. 3 ans passèrent ainsi, sans autre amitié et sans autre espoir que les polissonneries du jeudi, avec des petites filles que les parents de mon ami fournissaient innocemment, invitant ensemble à goûter les amis de leur fils et les amis de leur fille.